Bonsoir chers auditeurs de la radio Isanganiro, il est 18h passé d'une minute, c'est le moment de suivre le journal parlé en langue française, l'édition du soir de ce dimanche 19 juillet 2020, dont voici les titres. Problème de carence d'eau en commune Kigamba de la province de Changhuzo, la population de cette commune craint d'attraper les maladies liées au manque d'hygiène. L'administrateur dit avoir soumis la question responsable de la régie communale de l'eau, vous aurez les détails dans ce journal. Vol d'un matériel d'une valeur de 5 millions au barrage hydroélectrique de Kaburanhua en province Chibitoke. Le chef d'entreprise qui exécute les travaux de construction de ce barrage déplore la recrudescence de ce genre de vol. Nous ferons le saut à Chibitoke pour plus d'éléments. Dans cette édition, comme tous les dimanches, vous avez droit à la chronique nutrition. Aujourd'hui, nous vous parlerons des bienfaits du gombo sur la santé humaine. Voilà pour les titres. François Kiman assure la mise en onde de ce journal. La présentation, vous êtes avec Armel Moutor et bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonsoir. Carence d'eau potable au chef-lieu de la commune Kigamba en province Changhuzo. La population craint le risque d'attraper les maladies des mains sales. Cette carence, surtout en cette période de saison sèche, fait que le prix du bidon d'eau coûte 300 francs bout. L'administrateur de la commune Kigamba dit que cette question de manque d'eau a été transmise aux responsables de la régie communale de l'eau. Le coordinateur de l'eau et l'assainissement rural en province Changhuzo dit que des études ont été faites et qu'ils attendent l'appui des bailleurs pour amorcer la construction de nouvelles infrastructures d'eau dans cette commune. Raymond Moudende. Dans toute la province de Changhuzo, 41% de la population en milieu rural utilise l'eau propre selon le représentant de l'agence de l'hydraulique et de l'assainissement en milieu rural à Changhuzo. Cette carence de l'eau propre qui s'observe sur la colline Rusagara au chef-lieu de la commune Kigamba fait qu'un bidon d'eau propre puisé dans les bornes fontaines coûte 300 francs. Pour ceux qui ne peuvent pas avoir cet argent, ils doivent aller puiser de l'eau sale dans les rivières selon les témoignages des gens de cette localité. Ainsi, la population de Sagara craint le risque d'attraper les maladies des mains sales. Aussi, la possibilité de se laver les mains, une des mesures de lutter contre le coronavirus, devient difficile pour entrer au marché du chef-lieu de la commune Kigamba. Marie-Rose Nahimana, l'administratrice de la commune Kigamba, dit que cette question de rareté de l'eau potable a été transmise aux responsables de la régie communale de l'eau. Et au niveau de cette régie communale, Bosco Nijimbere, coordinateur provincial de l'eau et d'assainissement à Mierilare à Changhuzo, dit que des études ont été faites pour l'extension des réseaux hydrauliques, mais qu'il manque des moyens pour la mise en œuvre. Lui, comme l'administrateur communal de Kigamba, demande aux ONG de la province de Changhuzo d'appuyer ce secteur de l'eau en milieu rural. Depuis Changhuzo, Raymond Moudende, Radio Isanganiro. Merci Raymond Moudende. Pour pouvoir traverser la rivière Nyamugerera à Gitanga dans la commune et province de Bubanza, une personne est transportée sur le dos moyennant 500 à 1000 francs bout. Le pont a été emporté par les fortes pluies de mars et avril et pas mal d'autres ponts étaient également endommagés. Les habitants de Bubanza demandent aux autorités de profiter de cette saison sèche pour reconstruire ces ponts. Le nouveau gouverneur de cette province tranquillise et précise qu'il prévoit chercher les moyens afin de réparer ces ponts. Space Caritas Kabanyana pour les détails. Les habitants de la commune de Bubanza, surtout ceux de la zone Muramba, déplorent le fait que la circulation est presque coupée entre Gitanga et Muramba, mais aussi entre les collines d'Otchia et Mugimbu, suite aux ponts qui ont été endommagés lors des fortes pluies du mois de mars et avril. Pour pouvoir traverser la rivière Nyamugerera qui sépare ces collines, une personne doit payer 500 francs ou 1000 francs, ça dépend de son poids, comme le précisent ceux qui les aident à traverser. Pour faire traverser une moto, c'est 500 francs selon les passants rencontrés dans cette localité. Une information également confirmée par le chef de zone Muramba qui indique que personne ne pourra traverser cette rivière pendant la saison pluvieuse si rien n'est fait dans les meilleurs délais. Ailleurs, à Muyebe, en commune Musigati, le pont a été également endommagé. Un véhicule ou une moto ne peuvent pas traverser selon les habitants de cette localité. La population des communes Mubanza et Musigati demande aux autorités de tout faire pour réparer ces ponts pendant cette période de saison sèche car la réparation serait difficile et même impossible pendant la saison des pluies comme, comme ils le disent. Le nouveau gouverneur de la province de Bubanza précise que ce problème figure parmi les grands dossiers laissés par l'ancien gouverneur de cette province lors de la remise et reprise la semaine passée. Cléophas Nizigimana ajoute qu'il prévoit réunir tous les partenaires de la province afin de voir comment trouver les moyens pour reconstruire ces ponts. Spécialitas Kavanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Des sans-emplois de la Corine, Tchari en commune Muyinga demande au gouvernement de prioriser les chômeurs de longue date et ceux qui ont été ceux qui ont déjà presté comme bénévoles lors de ces recrutements, notamment dans le secteur de l'enseignement. C'est au moment où se fait l'identification de tous les sans-emplois sur toutes les collines. C'est un reportage de Dieudonné Zeyman. Au centre de Tchibali, parmi les sans-emplois venus se faire identifier, une fille, la trentaine d'années, qui revient trois fois vérifier si son nom, le numéro de téléphone et la date de fin des études ont été bien mentionnés sur la fiche d'identification. Nous l'approchons pour comprendre le pourquoi de son agitation. Elle signale qu'elle vient de faire 7 ans sans-emploi. Elle a été formée comme institutrice et n'a pas droit à l'enseignement supérieur. La quasi-totalité de ses promotionnels ont été embauchés. Sa section, le lycée pédagogique, n'existait plus dans le système d'enseignement burundais. D'en rire, il est signal garder espoir. Quand je vois des individus nous identifier, je pense à un futur recrutement, lance la fille en compagnie d'une dizaine d'autres, parmi elles une femme en quête d'emploi depuis 4 ans. Elle indique que si par hasard elle rencontrait le ministre en charge de la fonction publique, elle plaiderait pour le recrutement en privilégiant ceux qui passent plus d'années en chômage et ceux qui ont déjà presté comme bénévoles. Le point commun pour tous ces sans-emploi et l'espoir de voir les nouvelles autorités appuyer cette catégorie qui rêve quitter la situation de moquerie de la part des non-instruits pour qui étudier sans espoir d'emploi est une perte de temps. Tchibali, Dieudonné Zeyimana, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Je vous rappelle que vous pouvez suivre ce journal sur le www.isanganiro.org. Continuons ce journal. Les Burundais devraient travailler solidairement pour développer leur pays. C'est le conseil donné par l'évêque du diocèse de Ruyigi qui fait savoir que cela serait profitable à la population dans tout son ensemble. Le gouvernement burundais, par le biais de Domine Banyankimbona, ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi, remercie l'Église catholique pour sa contribution dans le développement du pays. Jean-Claude Chimirman. Le prêtre est élu parmi la population et exerce son ministère dans la population. Il évangélise, sanctifie et préside l'Assemblée des chrétiens. L'abbé Mathias Nakarutimana qui dit cela souligne aussi qu'un prêtre doit s'intéresser aux affaires publiques. Le prêtre n'est pas autorisé à se désintéresser des affaires concernant son pays, l'administration, les finances, le développement et même tous les projets qui contribuent à sa stabilité. Mais il doit éviter de s'ingérer dans les responsabilités des autres concitoyens. De sa part, l'évêque du diocèse de Ruyigi, Blaise Nzeimana, fait savoir qu'il serait fier si les Burundais seraient unis dans le développement du pays au profit de tous. Nous nous attendons à beaucoup de choses de notre pays, le Burundi. C'est pourquoi nous serions fiers d'être solidaires dans le travail pour son développement qui impliquerait le développement de nous tous au même pied d'égalité. Au nom du gouvernement burundais, la ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi, Domine Banyankimbona, remercie l'Église catholique pour sa contribution dans le développement du pays. Toutes les personnes ici présentes reconnaissent sans hésitation que l'Église catholique s'intéresse au développement de la population. Elle construit des écoles et des centres de santé, elle enseigne les métiers et tant d'autres actions. Tout cela sont de grands piliers qui contribue au développement du pays. Au nom du gouvernement burundais, nul ne peut ne pas remercier cette église, notre mère. Lors des cérémonies de ce samedi de célébration du jubilé d'or de la paroisse Kayongozi, 6 diacres ont été ordonnés prêtres. Jean-Claude Nshimirimana, depuis la paroisse Kayongozi dans la province Ruyigi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Claude Chimiman. En page énergie, un matériel équivalent à plus de 5 millions a été volé au barrage hydroélectrique de Kaburanhu en province de Chibitoke dans une période d'un mois. Le chef d'entreprise qui exécute les travaux de construction du dit barrage déplore cette recrudescence de vol. Cela étant, deux suspects ont été arrêtés ce vendredi et les enquêtes sont déjà en cours. Les détails dans cette correspondance d'Alexis Ndahiragij. Les biens volés dans ce chantier de construction du barrage dit Kabosese sur la rivière Kaburanhu, se trouvant sur la colline Rugano de la commune Mogui, sont surtout les fers à béton, du ciment, du carburant, des batteries de véhicules et des fils électriques. Dans un délai ne dépassant pas un mois, les biens déjà volés sont évalués à plus de 5 899 000 francs-bourg, la somme qui sera payée par la société de sécurité au Burundi SSB, ainsi que le chargé du gardien dans ce chantier. Le chef de ce projet de construction, Sik Singh, s'inquiète de la recrudescence de ces vols, même si les agents de ces sociétés de sécurité y mettent de la force pour traquer les auteurs. Sik Singh, chargé des travaux de construction sur Kabosese, pointe du doigt certains habitants avoisinant ce chantier qui sont complices dans le vol de ces matériaux. Les biens achetés étant vendus aux commerçants provenant de Bujumbura, surtout du marché de Rouvray. Il demande aux autorités administratives et aux chargés de la sécurité de tout faire pour décourager ces vols. Le gouverneur de la province Chibitoke, Karim Bizoza, qui a visité ce chantier dans l'après-midi de ce vendredi, en compagnie du commissaire provincial de la police à Chibitoke et du procureur de la République à Chibitoke, a mis en garde toutes les personnes qui font ces vols qu'elles seront sanctionnées exemplairement puisqu'elles seront des ennemis du développement du Burundi en général et de la province Chibitoke en particulier. Dans l'après-midi de ce vendredi, des présumés auteurs de ces vols ont été embarqués par le pick-up du commissariat de Chibitoke pour des enquêtes au parquet de Chibitoke. L'un étant accusé d'acheter ce matériau chez les voleurs, l'autre est un commerçant provenant de Bujumbura qui est accusé d'acheter ces matériaux chez ce premier accusé. Depuis Chibitoke, Alexis Ndahiragije, Radio Isanganiro. En page société, 9455 couples mariés en union libre sur 9526 à Kayanza depuis avril 2018 se sont mariés légalement et enregistrés à l'état civil. Ce sont les propos de Mathias Manirumba, contrôleur provincial de l'état civil à Kayanza. Au niveau de l'administration à Kayanza, ils disent se réjouir de ce pas déjà franchi. Vianney Ndikumana, conseiller principal du gouverneur, demande aux administratifs à la base de redoubler les efforts en sensibilisant la population sur les conséquences du mariage illégal, aussi bien sur le couple que sur les enfants. Patrick à Kayanza. Comme l'indique Mathias Manirumba, contrôleur d'état civil en province Kayanza, il a été effectué un recensement depuis avril 2018 dans toutes les 9 communes de la province Kayanza, afin d'identifier les ménages dans lesquels les conjoints se sont unis illégalement. Ainsi, témoigne-t-il, il a été constaté que dans environ 9526 ménages, les conjoints n'étaient pas enregistrés à l'état civil. Ce contrôleur provincial d'état civil à Kayanza précise également que les données ont montré que les communes qui viennent en tête à mariage illégal sont principalement Gatala avec 2065 ménages, commune Kayanza avec 1629 ménages et commune Kabarole avec 1586 ménages. Il fait savoir aussi que parmi ces ménages, beaucoup sont constitués de ménages de vulnérables ainsi que ceux des personnes de la communauté Batwa. Après ce constat, les autorités administratives à Kayanza ont invité les administratifs à la base dans toutes les communes de redoubler les efforts à la sensibilisation de la population sur les conséquences des mariages illégaux et les avantages des unions légales en mariage, indique toujours Mathias Manirumba. Il ajoute aussi que les mêmes autorités administratives ont suspendu les frais de sofel inscrits dans le registre de mariage pour les vulnérables ainsi que pour les personnes de la communauté Batwa. Ainsi renchérit Mathias Manilumba, sur les 9526 ménages dont les couples vivaient en union libre, 9544 se sont aujourd'hui mariés légalement et sont inscrits dans le registre de mariage à l'état civil. Vianney Ndikumana, conseiller principal du gouverneur à Kayanza, dit qu'au niveau de l'administration, il se réjouit de ce pas déjà franchi. Il invite la population à Kayanza de reconnaître que le mariage dont les conjoints s'unissent illégalement présente toujours des conséquences sur le couple aussi bien que pour les enfants. Depuis Kayanza, Patrick Nsengimba pour la Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Le gombo est un légume typiquement africain qui aide dans la croissance humaine et contient des antioxydants protégeant les cellules contre des dommages causés par les radicaux libres. L'expert en nutrition Gilbert Enangwahafi dit que cette plante contient plusieurs vitamines et que c'est une excellente source de vitamine K pour la femme s'il est consommé cru. Chronique nutrition avec Jean-Marie Mayong. Comme l'explique l'expert en nutrition Gilbert Nangwaafi, le gombo est une plante herbacée qui peut être consommée comme de fruits ou de légumes. Cette plante diminue les risques des maladies cardiovasculaires, de certains cancers et d'autres maladies chroniques. Concernant ses bénéfices sur la santé humaine, sur une assiette de gombo cru, on y trouve 3 g de fibres alimentaires, 2 g de protéines, 57 mg de magnésium, 21 mg de vitamines, ainsi que 10 mg de graisse. Grâce à sa vitamine C qui contient, le gombo permet la stimulation du système immunitaire en favorisant la création des globules bruns dans l'organisme. Le gombo est un anti-ride car ses antioxydants combattent l'excès de radicaux libres responsables du vieillissement tissulaire. Le gombo élimine le mauvais cholestérol LDL et contrôle le diabète et l'hypertension artérielle. Cette plante est d'une importance capitale pour une femme enceinte car le gombo cru est une excellente source de manganèse pour la femme et une bonne source pour l'homme. Le gombo est un excellent régime pour la femme enceinte car il possède un taux élevé de vitamine A, vitamine C, vitamine B1, B2, B6, ainsi que les minéraux comme zinc, calcium. Il contient aussi l'acide folique. Le gombo contient aussi d'autres minéraux et oligo-éléments. Le gombo bouilli est une source de minéraux comme manganèse. Sachez que les besoins en manganèse de l'homme sont supérieurs à ceux de la femme. Le gombo bouilli est aussi excellente source de calcium, c'est un minéral qui favorise la constitution des muscles ainsi que la bonne pression sanguine ainsi que la consolidation osseuse. Sachez que les besoins en fer de l'homme sont inférieurs à ceux de la femme. Le gombo bouilli ou cru est une source de cuivre en tant que constituant de plusieurs enzymes. Le cuivre est nécessaire à la formation de l'hémoglobine et du collagène, c'est-à-dire la protéine servant à la structure et à la réparation des tissus dans l'organisme. J.B. Nangwaafi dit que le gombo contient d'autres vitamines et peut être consommé sous plusieurs modes. Le gombo contient aussi d'autres vitamines comme la vitamine K. Et la vitamine K aide dans la coagulation sanguine ainsi que dans la fabrication des protéines. Le gombo contient aussi d'autres vitamines comme vitamine B6, B9. Concernant son utilisation, on peut le prendre en salade comme légumes, en tisane, en sauce et dans d'autres manières. Le gombo est apparu en français en 1764 et a son origine en Afrique. Il est répandu aujourd'hui dans la plupart des régions tropicales et sous-tropicales de la planète. À 18h passées de 19 minutes dans les studios de la radio Isanganiro, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Armel Moutori était à sa présentation. François Akiman a été du côté de la cabine technique. Nous vous souhaitons de passer une bonne fin de week-end à l'écoute de nos programmes.